Bon après-midi à vous tous ceux qui suivez la radio Sanganiro, bienvenue dans cette édition de la grande édition de ce 23 juin 2017 et donc voici les principaux titres. Le Conseil national de sécurité demande au facilitateur Benjamin Mokapa de rapatrier le dialogue inter-burundais. Cela ressort du communiqué de ce ministère de ce jeudi. La retraite politique organisée par le bureau de l'Ombudsman est à sa deuxième journée à Kayanza ce vendredi. L'identification des actions concrètes d'une feuille de route pour les élections de 2020 font objet de débats dans ce journal. Frère Emmanuel Nhakarutimana, le modérateur, nous fera le compteur de la première journée et notre envoyé spécial Joseph Sabiyabandi nous fera le point de l'actualité 10 jours et 18 associations œuvrant dans le domaine de la salubrité en mairie de Bujumbura disent être aujourd'hui malmenées dans leurs activités suite à une naissance d'une autre société à Bujumbura. Dans ce journal, vous entendrez Maître Jean-Marie Vianney Chimilimana au nom de ces 18 associations. Bienvenue à ce journal mis à l'onde par Jean de Dieu Ndaïsenga. La présentation Placide Niomongue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Pour débuter ce journal, le Conseil national de sécurité demande au gouvernement de mettre en œuvre les conclusions du rapport de la Commission nationale de dialogue interne. Dans le communiqué sorti ce jeudi, ce conseil demande aussi aux facilitateurs dans la crise burundaise Benjamin Mkapa de rapatrier le dialogue inter-burundais. Suivez Silas Niguligwa, secrétaire général du Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité apprécie à sa juste valeur le travail réalisé par la Commission nationale de dialogue inter-burundais, CNDI, qui n'a ménagé aucun effort pour donner la parole à toutes les couches de la population burundaise qui s'est librement exprimée sur la gestion et l'avenir de leur pays. Le Conseil national de sécurité demande au gouvernement burundais et aux autres institutions publiques de mettre en œuvre les conclusions du rapport de la dite commission en vue de sauvegarder la souveraineté nationale de notre pays et le respect de la volonté du peuple burundais. Bien plus, le Conseil national de sécurité invite la facilitation du dialogue inter-burundais externe de rapatrier ce dialogue tel que les Burundais l'ont souhaité lors des débats organisés par la CNDI. Le Conseil national de sécurité exhorte par conséquent le facilitateur à venir se rendre compte de l'évolution positive de la situation sécuritaire du Burundi. En outre, le Conseil lui demande de clôturer ce dialogue conformément au calendrier qu'il s'est lui-même. Vous nous excuserez de ce problème technique. Dans la suite de ce journal, je vous le disais dans les titres, la retraite politique qui se tient dans la province de Kayanza est à sa deuxième journée. Aujourd'hui, l'identification des actions concrètes d'une feuille de route pour les élections de 2020, c'est ce qui occupe les présidents des partis politiques et les leaders politiques pour ce deuxième jour de la retraite politique. En ligne, je suis avec Joseph Sabi Yabandi depuis Kayanza. Bonjour Joseph. Bonjour Placide. Je le disais tantôt, aujourd'hui on est à la deuxième journée de la retraite politique à Kayanza. Qu'est-ce qui se parle aujourd'hui? Placide, aujourd'hui c'est autour de certaines questions qu'on est en train de répondre. En l'occurrence, qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce que vous demandez? Ce sont principalement ces deux questions auxquelles les participants dans cette retraite politique sont en train de répondre. Pour commencer les travaux de cette deuxième journée, la feuille de route de 2013 qui préparait les élections de 2015 a été distribuée à tous les participants pour qu'ils puissent justement s'en inspirer. Jacques Biglimana, président du parti FNL, propose comme solution à la crise burundaise la reconnaissance par tous les politiciens burundais qu'il n'y a pas de génocide en cours de préparation. Quant au secrétaire national chargé de mobilisation au sein du parti CNDD-FDD, Manirambona Anastase, celui-là, au nom du parti au pouvoir, il proposait que, aux élections de 2020, que ceux qui veulent participer y aillent et que ceux qui ne veulent pas soient laissés de côté. Quant à l'ancien président de la République burundaise, Sylvestre Ntibantunganya, lui, il propose de revisiter la Constitution nationale et l'accord d'Arusha parce que selon lui, ces deux instruments contiennent des dispositions qui comportent, qui véhiculent les solutions à la plupart des solutions aux problèmes burundais. La retraite qui a commencé hier va prendre fin dans l'après-midi de ce vendredi. Oui, Joseph, merci beaucoup. Vous allez nous donner plus de détails dans nos éditions de la soirée. C'est moi qui vous remercie. Un bon après-midi à toi, Joseph. Je le disais tantôt, 18 associations œuvrant dans le domaine de la célébrité en mairie de Bujumbura disent être aujourd'hui malmenées dans leurs activités suite à la naissance d'une autre société qui a récemment signé une convention avec la mairie de Bujumbura. Maître Jean-Marie Vianney Chimilima, qui a parlé au nom de ces 18 associations, explique qu'ils ont été surprises d'entendre la mairie de la ville les accuser d'incompétence alors qu'ils n'ont pas été avertis. On l'écoute. Jusqu'en date du 6 juin 2017, où nous avons été surpris par tout ce qui avait été dit lors d'une conférence de presse qui était organisée par l'autorité de la mairie. Il a été dit que non, faisait ce travail d'une manière vraiment qui n'était pas louable jusqu'à déposer des immondices dans les rues. Que cela faisait une double tâche à la mairie de collecter à nouveau ces déchets. Je voudrais dire que là, vraiment, ça a été une publicité négative à notre égard uniquement. Parce que il n'y a aucune association, aucune société qui a été notifiée, qui a été mise en demeure, qui a été interpellée à ce sujet. On a dit que Bisico permettrait à la mairie de récupérer 400 millions ordinairement alloués à la propriété de la ville et de recouvrer 30% du revenu de Bisico. Il a été dit que nous avons des tarifs exagérés, que donc Bisico va moins tarifier. Cela n'est pas approuvé. Surtout qu'aujourd'hui, nous qui avons de l'expérience avérée dans ce domaine, c'est d'abord un secteur exigeant beaucoup de moyens. C'est un secteur qui exige beaucoup de choses, raison pour laquelle nos barèmes sont vraiment normaux, puisque sans doute la population apprécie. Aujourd'hui, donc, au lieu d'utiliser la force publique pour nous déstabiliser et pour nous détruire, plutôt, il aurait fallu que nous nous mettions ensemble juste pour bâtir, pour mieux faire aussi. Cela porte en danger parce qu'il y a plus de 2000 ouvriers, plus de 2000 ouvriers qui sont aujourd'hui déstabilisés. Alors que les autorités du pays nous encouragent de travailler en synergie, de travailler dans des groupements, dans des associations. Il y a des déchets dans des dépotoirs, disons, clandestins qu'on observe un peu partout ici en mairie de Bujumbura. Et est-ce que ce n'est pas une des causes que vous reprocherez la mairie? Loin du tout, parce que d'abord, partout où vous voyez ces immondices, il y a l'administration locale, c'est toujours la mairie. Ensuite, nous n'avons au niveau de la ville de Bujumbura qu'une seule, un seul dépotoir. Là alors, avoir même l'endroit, c'est un endroit aujourd'hui débordé. C'était Jean-Marie Vianney Chimilimana qui parlait au nom des 18 associations œuvrant dans le domaine de la célébrité en mairie de Bujumbura. Mais dans une conférence de presse d'ici juin 2017, Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, avait précisé qu'avec la nouvelle société dénommée BCCCO, la mairie encaissera 30% du revenu de cette société. On l'écoute. Nous avons discuté longuement, nous nous sommes convenus à des prix abordables à la population et cette société pourra aussi verser 30% des frais qu'il va tirer de ses collectes de fonds, mais aussi on va suivre de près l'embellissement de la ville, la propriété, on va faire un suivi régulier. S'il n'arrive pas à accomplir la mission, il y a des dispositions qui sont claires, qui pourront à tout moment arrêter le fonctionnement ou la convention. Le maire de la ville de Bujumbura, contacté ce vendredi, promet de s'exprimer la semaine prochaine. Mais d'ores et déjà, le maire invite ses sociétés et associations à travailler avec Bisiko pour un travail de sous-traitance. Il faut qu'il y ait un seul interlocuteur qui est la Bisiko. Dans la suite de ce journal, certains habitants des quartiers de Gikungu, au nord de la capitale Bujumbura, s'indignent du manque criant de l'eau dans leur ménage. Ils font savoir que ce problème vient de durer plus d'un mois. S'ils sont alimentés, déploraient-ils, l'on ne dirait que le temps de l'arroser. Ils demandent à la régie des eaux de régler ce problème avant qu'il ne soit tard. Le point avec Félix Miburo, il est stagiaire à la Radio Sanganyiro. Si on arrive au quartier Gikungu en zone de Gihosha, on remarque des mouvements de va-et-vient des personnes portant des bidons pour aller chercher de l'eau. Certaines de ces personnes disent que ce problème du manque d'eau dure plus d'un mois. Ils disent que s'ils sont alimentés, l'on ne dit que le temps de l'arroser en défaut d'être alimenté pendant la nuit. Ces habitants disent qu'ils vont à son tour puiser de l'eau dans la rivière Nahangwa ou dans d'autres cours d'eau, mais cette dernière n'est pas du tout propre, explique-t-il. Ils disent que tout le temps est réservé pour l'eau et ne font d'autres activités à part de cela et craignent d'attraper des maladies des mains sales. Ils demandent à la régie des eaux de trouver une solution adéquate à ce problème avant que la situation ne s'aggrave. Merci Félix Mibouli, stagiaire à notre station. Au niveau de la régie de l'eau et de l'électricité, on indique que le problème de manque d'eau dans ces quartiers est connu, mais qu'il est lié au manque d'électricité. Désiré Nsengiyumba, le directeur de l'eau, explique que le système de pompage en place pour faire monter de l'eau dans ces quartiers est opérationnel grâce à l'électricité. D'ajouter que la régie des eaux est à l'œuvre pour résoudre la question de l'électricité, ce qui lèvera le problème de l'eau dans ces quartiers. Cap toujours sur Kayanza où se déroule la retraite politique. Je le disais que dans une allocution d'ouverture de ce vendredi, le modérateur frère Nakaru Timana a exhorté les participants de faire des propositions entre autres sur la constitution, la CENI et l'accord d'Arusha. Suivez Emmanuel Nakaru Timana qui nous donne le bilan des activités de la première journée. Avoir l'esprit du mensonge, s'affirmer, dire la vérité, c'est autant de choses liées à l'attitude et comportement. On ne doit pas forcer en la matière, mais plutôt il s'agit des choses qui se construisent petit à petit comme culture et qui, fin de fin, deviennent une patrimoine collective et le pays finit par devenir stable. Il y a d'autres questions liées aux mécanismes légaux et normatifs. Là, il faut parler de la constitution, des codes, les coalitions, tout ce qui relève de la loi. Il y en a d'autres qui sont liées au montage économique. Il s'agit par exemple de la pauvreté, du chômage, tout ce qui peut induire les jeunes dans différentes erreurs. D'autres questions soulevées sont celles liées à la liberté publique et l'espace politique. On peut parler des réunions, la liberté d'expression, la liberté de mouvement et bien d'autres problèmes qui avaient été soulevés dans l'affaire de route précédente, mais qui reviennent toujours. Vous avez également soulevé les questions en rapport avec le partage du pouvoir. Comment gérer les relations entre les vainqueurs et les vaincus? Comment doivent-ils collaborer pour une bonne gestion du pays? Une autre question qui a été soulevée est celle de l'initiative à l'endroit des réfugiés. S'agissant de nos compatriotes, qu'est-ce qui doit être fait actuellement pour que, même si nous comptons affronter le rendez-vous de 2020, ces confrères ne soient pas ignorés? La question du fonctionnement des partis politiques, ça concerne les partis IPRONA, FNL, FRODEBOU, le CNDD-FDD et bien d'autres. C'est un problème réel. Devons-nous nous préparer aux élections de 2020 dans une telle situation ou bien nous devons nous faire violence pour que des choses changent, surtout sur la scène politique? Comment doivent être les mécanismes de suivi afin d'éviter la reprise d'une telle situation? On a soulevé également des questions relatives à la CVR. Est-ce que cette commission peut donner la contribution pour que l'on arrive en 2020 avec des esprits apaisés? C'était frère Emmanuel Nakaru Timana, modérateur dans la retraite politique qui se déroulait à Kayanza dans une traduction de notre confrère Pascal Niyoyahunzi. wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu orge isanganiro. À l'actualité internationale, ce vendredi, une explosion de bombe dans la ville d'Ogeta, Pakistan, a fait 11 morts et des blessés, alors que l'Union européenne a octroyé 85 millions d'euros à l'État ougandais pour les réfugiés sud-soudanais. Et en République démocratique du Congo, la région de Beni est toujours sous tension après les violences et des combats de ce jeudi. Le point avec Barthélemy Bitan. Une explosion a touché un véhicule de police vendredi dans la ville de Quetta, dans le sud-ouest instable du Pakistan. Tua au moins 11 personnes et en blessa une vingtaine d'autres, ont annoncé des responsables locaux. Parmi les victimes, 4 policiers ont été tués et 3 blessés sont dans un état critique. La police a précisé que la nature de l'explosion n'était pas encore connue avec certitude, tout en indiquant qu'un de ces véhicules avait été visé. Le Pakistan fait face depuis plus d'une décennie à des groupes armés séparatistes et islamistes. Des opérations militaires et de développement ont permis de faire nettement diminuer les violences de ces dernières années, mais des attentats meurtriers s'y produisent toujours sporadiquement. L'Union européenne s'engage à débloquer 75 millions d'euros en faveur de l'Ouganda. Il s'agit d'aider Kampala à faire face à l'arrivée de près de 1 million de réfugiés sud-soudanais. L'annonce a été faite jeudi en prélude au sommet de la solidarité envers les réfugiés qui se tient ce vendredi dans la capitale soudanaise. L'Ouganda est confronté à l'une des plus graves crises de réfugiés au monde. À République démocratique du Congo, des violents combats ont été signalés ce jeudi à Beni, dans le nord-est du pays. Des affrontements ont opposé des miliciens aux forces gouvernementales. L'heure est maintenant au décompte des victimes. Il y a 13 morts parmi les assaillants et 8 prisonniers, selon un bilan de l'armée congolaise, qui déplore 3 personnes dans ces rats. Au moins 3 civils ont également été blessés, touchés par l'explosion d'un obus dans une école où se déroulait l'examen d'état. Les doutes planent encore sur l'identité des assaillants. La RFI indique que l'armée dit avoir repoussé les assaillants et les mairies assurent que le calme est revenu dans la ville. Barthélemy Bitana, lui aussi, stagiaire à notre station, à qui nous disons merci. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et excusez-nous pour des problèmes techniques. Et nous vous souhaitons un bon après-midi à tous. Au revoir.